Que la pluie qui tombe aujourd'hui, demain s'en ira, l'idée reviendra et t'apportera un nouvel éclat. Les plus grands soleils et tant de merveilles changeront ta vie en un paradis, baigné jour et nuit de joie et de cris. Oh hey là, écoute hey là, c'est l'amour hey là qui chante exprès. Changera, on te donnera le jour et la nuit, les joies de la vie. Et comme c'est la vie, les chagrins aussi. Passeront les ans, naîtront des enfants. Tu seras heureux, toujours amoureux, car la vie à deux, on ne fait pas mieux.